Bonsoir. Vous êtes à l'écoute des danseurs de radio en onde moyenne sur les 1566 kHz. Danseurs de radio, une voix amicale en Afrique.